l'étendue des dégâts de mon intérieur déchiré, de ma vie qui s'arrache. Tu comprends que comme toi, je souffre d'absence, parfois même d'indifférence. De vie que je crache. Ton envie de voyage, de casser tes ancrages. Sûrement, je le vois, et pour me rassurer, ton esprit plane libre au-dessus de ma tête. M'attendre, prendre ma main tremblante, que le manque écorche. Va-t'en maintenant, je suis avec toi, comme l'artiste et l'œuvre.